Chapitre deuxième. C'était un fakir, en effet, les membres nus, frottés de cendres, la poitrine zébrée des raies rouges et blanches du tilik, la marque du dieu, la chevelure inculte. Étendu au soleil, ce grand corps émacié était bien celui d'un ascète. Amra le considérait en silence, se demandant s'il n'avait pas vu déjà ce personnage et comment il se faisait qu'il fût venu s'échouer chez lui. Tout à coup, la poitrine du fakir se souleva, puis s'abaissa lentement. Une plainte sortit de ses lèvres, ses yeux s'ouvrirent. Il promena autour de lui un regard étonné et fit signe qu'il avait soif. On le fit boire, puis il se leva et, appuyé sur l'épaule du jeune homme, alla s'accroupir au pied d'un papayer. Jusque-là, il n'avait pas prononcé une parole. Quant au brahmane, le saisissement l'avait rendu muet. « Mon frère, dit-il enfin au fakir, que la paix soit avec toi. Tu es le bienvenu dans la maison de Kali. Mais qui donc es-tu et pourquoi t'ai-je trouvé tout à l'heure au pied de la bonne mère dans un si misérable état ?» Le fakir porta les mains à son cœur et s'inclina avec un sourire étrange. « Ce n'était qu'une défaillance, murmura-t-il. Depuis 5 jours, je marchais sans boire ni manger. Daignez me faire donner un peu de lait. Mon père, suis-je donc tellement changé que vous ne me reconnaissiez pas ?» Amra fixa un regard scrutateur sur ce visage ravagé par la souffrance et qui pourtant lui souriait. « Siddhartha ! » s'écria-t-il d'une voix rauque. « Non, c'est impossible, tu n'aurais pas changé à ce point !» Comme le fakir continuait à lui sourire, il se tourna vers son serviteur et lui dit avec une brusquerie comique « Que fais-tu là, toi ? Ne t'a-t-on pas dit d'aller chercher du lait ?» Puis il se jeta sur la poitrine du fakir et l'étreignit dans ses bras sans prononcer une parole. Mais des larmes coulaient sur ses grosses joues. L'émotion du vieux prêtre paraîtra naturelle quand on saura que Siddhartha était le fils unique de sa sœur et que de ce neveu, élevé près de lui à l'ombre du sanctuaire, il avait fait son héritier, lui-même n'ayant pas eu d'enfant de la femme qu'il avait épousée avant de se consacrer au service de Kali. La caste des brahmanes est dans l'Inde la caste sacerdotale, mais tous les brahmanes ne sont pas des prêtres. Ceux que les circonstances appellent à entrer dans les ordres doivent auparavant passer quelques années dans l'état matrimonial. Cette initiation à la vie sociale fait partie de leur éducation. Siddhartha avait donc quitté à l'âge de 15 ans la pagode pour prendre femme. Son oncle l'avait marié à la fille d'un de ses amis et le jeune couple était allé demeurer en ville. Un fils étant né de cette union, on avait attendu qu'il eût 5 ans révolus. Alors Siddhartha avait dit adieu pour toujours à sa femme, qui devait dès lors être tenue pour veuve et nourrie aux frais de l'État, et il était parti pour faire en qualité de fakir, c'est-à-dire de moine mendiant, le tour des villes sacrées de l'Hindoustan. Quant au jeune garçon, sa mère l'avait gardé auprès d'elle jusqu'à l'âge de 10 ans, après quoi il avait fallu qu'elle le livrât au vieil Amra pour être à son tour élevé à l'ombre du sanctuaire. C'est lui que nous avons vu faisant, sous le nom de Lalou, les fonctions de serviteur auprès de son grand-oncle, en attendant que son tour vînt d'être initié au mystère de la vie. Pendant 7 longues années, Siddhartha avait voyagé au travers de cette vaste contrée qui s'étend des sources de l'Indus au cap Comorin, toujours pieds nus, parfois sur ses genoux et sur ses mains. Car la bonne mère est une maîtresse exigeante, qui demande à ses esclaves de s'infliger pour lui plaire toutes sortes de tortures. Il avait passé des mois entiers dans la jungle, tantôt debout sur un pied à l'ardeur du soleil, jour après jour, ne prenant de repos que pendant les nuits, tantôt assis au pied d'un figuier, méditant sur la vanité du monde et absorbé dans ses réflexions au point de rester 8 jours sans nourriture. À d'autres moments, on l'aurait trouvé au fond d'une pagode de Bénarès ou de Poshkar, s'appliquant à comprendre les enseignements d'un prêtre renommé pour sa sagesse, ou à pratiquer les rites d'un culte mystérieux. De nature nerveuse, porté à l'ascétisme et aux mystiques rêveries, il s'était peu à peu exalté dans l'accomplissement des devoirs sacrés de sa profession, en même temps que son corps, maté et assoupli par les austérités, affranchi des passions charnelles, était devenu l'instrument docile d'une âme dévorée de sainteté et avide de puissance spirituelle. Préparé de la sorte à jouer dans sa patrie le rôle glorieux de représentant de la divinité, Siddhartha était enfin revenu à Audipur, la tête remplie des rêves de l'ambition et ne se doutant guère de la déconvenue qui l'attendait.